moi, je ne dois rien à personne. À part à ma mère, ou à mon Smith et Wesson. Toujours dans les gros coups, toujours dans les gros sommes. C'est dans le rap game, y'a que des voyelles, boy, je serai la console. Je serai la console. Ils ont le seum de pas plus, ces bâtards. Ces bâtards, ces bâtards. Ils ont le seum car on s'est fait tout seul, on pèse tous des gros oeils. On pèse tous des gros oeils, foiré. Laquelle de ces femmes je vais sortir de la misère? Laquelle? Je ne fais plus de figurines, je t'invite dans mon teaser. Séquestration, interpellation, excitation, pénétration. Les charognards sont en gravitation. Les petits sont pleins de mauvaises intentions. Ne présente pas sans ton invitation. J'ai pas encore grillé ma ration. Je suis le king de ma génération. Garçon, attention, je vous baise avec modération. Capendo. L'amour rend aveugle, c'est vrai. C'est temps si je ne vois plus ma meuf. Spendo. J'suis dans le TK, basket neuf. En gros gamos, je nargue les keufs. Depuis que je perce, les filles n'ont plus leurs règles. Depuis que je perce, les filles n'ont plus de mecs. J'suis au bout d'un bar, Hugo Chose, Almaty. Un jour j'y serai, c'est ce que le gourou m'a dit. On se calcule plus, la vie c'est mathématique. Vous venez ça. On s'en bat les couilles, t'es prêt, pas vu, pas pris. Ferme la gauche, pas de balle. Y'a bouse-bouse et bif, voleur de bécane. Regarde, t'arraches ta mère pour du métal. Depuis petit peu, on a la mentale. Ne viens pas me voir pour me snapper, sale pute. Tu viens, tu dors, tu couches. Bang, bang, bang, bye, bye, en plus.